l'ont confiné dans sa tombe, dans le monde de Barzakh, ce qu'on appelle le Barzakh, entre sa mort et la grande résurrection. On a parlé du bonheur et du châtiment, enfin, on a parlé de l'épreuve de la tombe et les questions des anges quand ils viennent. L'un s'appelle Nakir et l'autre s'appelle Munkir, et c'est évoqué dans un hadith, dans le hadith d'Abi Hurairah radiallahu anhu. Et c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani hafizahullah dans ses sirat al-hadith sahiha, hadith numéro 1391. Il est rapporté par Tirmidhi ibn Abi Asim fi sunna wal ajurri fi sharia. Donc c'est évoqué, ces deux noms-là, ils sont évoqués dans un hadith authentique. Donc les anges, qu'est-ce qu'ils demandent quand ils vont faire asseoir le mort? Ils vont lui demander: quel est ton seigneur, quelle est ta religion, quel est ton prophète? Les trois questions. Il y a même dans un autre hadith: quelles sont tes œuvres, ma amalouk. Dans un long hadith, je crois, de Al-Bara ibn Azib, ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, ce hadith sahih, quand l'âme du croyant, quand le croyant, il est accueilli, il est bien accueilli par les anges, et que son âme, elle remonte vers les cieux, et chaque ciel, il ouvre ses portes jusqu'au septième ciel, et après, il va être accueilli par les anges, et qu'elle descend, elle descend vers le mort, et que là, quand on enterre le mort, bon, les deux anges, Nakir ou Munkir, ils vont demander à ce mort-là: quelle est ta religion, quel est ton seigneur, Marabouk, quelle est ta religion, Mahadinouk, quel est ton prophète, Mahadar Rajulul Ladi Wa'itha Ilaykum. Et donc, le croyant, comment il va répondre? Il va dire: mon seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Dini Rabbi Allah, quelle est ta religion? Ma religion, c'est l'islam, ou Mayyab Tarir al-Islam Idinan Falay Yokhbalamin. Et quel est ton prophète, c'est-à-dire ce prophète que tu as pris comme modèle? Quelle est cette personne qui vous a été envoyée, hein? Quelle est cette personne que tu as pris comme modèle dans ta vie, hein? Dans toute ta vie, dans ta prière, dans ton pèlerinage, quand il te réveille, que tu fais les invocations qu'il fait, quand il dort, tu fais les invocations qu'il a fait, c'est-à-dire modèle dans toute ta vie. Donc, la personne qui a suivi vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a suivi dans tout, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a permis, comme il a dit dans un verset de Sourate Ibrahim: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah a permis les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Donc, dans l'au-delà, dans la vie présente, il les a permis, ils ont suivi la ilaha Allah, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme lui il l'a voulu, suivant son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il a permis ces gens-là par une parole ferme, et la parole ferme c'est quoi, hein? La ilaha illallah, la parole ferme c'est kalimatu tawhid, parce que il est évoqué même dans le verset qui est avant: daraballahu matalan kalimatan tayyiba, hein, ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama' تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. La parole ferme, c'est dans le verset de Sourate Ibrahim: n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'est lancée dans le ciel. Elle est ferme, elle est solide, celui qui a l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le secouer. Même si tout le monde se détourne d'Allah, lui, il reste solide parce qu'il a cette parole en lui, et donc il est solide comme cet arbre qui est bien enraciné et que dans les ramures il va vers le ciel et qui donne des fruits. Il donne des fruits. Les bonnes œuvres, la bonne parole, c'est des fruits que donne la ilaha illallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis ces gens-là qui ont pris comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont suivi la religion. Maintenant, le mu'min, le croyant, il va dire: Rabbi Allah wa dini al-Islam, hein, wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant va répondre comme ça. Comme c'est évoqué dans le hadith de Bara ibn Azib, rapporté par l'imam al-Bukhari. Mais la personne maintenant, qui est dans le doute, il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas pris comme religion l'islam. Il a pris comme modèle une autre personne. Il a pris comme modèle une star de télé, il a pris comme modèle d'autres gens. D'accord ? Il n'a pas pris comme modèle le prophète, il a pris comme modèle une personne, il a suivi dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il a pris comme modèle. Cette personne, comment il va être le jour du jugement, hein? Il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a voulu le prophète, il n'a pas pris la religion de l'islam comme religion qui doit suivre ici-bas et qui le sauve dans le delà. Cette personne, qu'est-ce qu'il va dire? Dans le hadith, c'est marqué wa amma al-murtab fayaqulu ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu. Ça c'est subhanallah, ça c'est, il dit ha ha devant les deux anges, ils vont lui dire ma dinuk ma rabbuk ma dinuk ma hadha an-nabi alladhi arsala ilayk ha ha la adri, dans cette situation grave. Et la réponse, s'il ne répond pas, c'est le châtiment grave. L'homme hésitant, il dira, ah, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dite à mon tour. L'hésitant, c'est l'hypocrite ou celui qui est dans le doute. Les ulama, ils ont dit, c'est l'hypocrite parce que l'hypocrite, son âme, il n'a pas cru en Allah. Extérieurement, c'est un musulman, mais intérieurement, il n'est pas soumis à Allah. Il n'avait pas la crainte, il n'avait pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'avait pas la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Extérieurement, c'est un musulman, mais intérieurement, c'est un hypocrite. Donc il dira, ah, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose. C'est-à-dire, la vraie croyance n'est pas rentrée dans son cœur. La vraie croyance n'est pas rentrée dans son cœur. قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Ils ont dit, nous avons cru par leur bouche, mais leur cœur n'a pas cru. Donc c'est la qualité des hypocrites. Il n'est pas rentré dans son cœur, la croyance, mais disait ce qu'ont dit les gens sans que la croyance n'atteigne son cœur. C'est-à-dire, il faut vraiment méditer sur ses paroles. Quand il est dans un état grave, il faut qu'il réponde et il dit, ah, c'est, il est en danger. C'est comme si quelqu'un, c'est comme si quelque chose, finalement, il a échappé. Il a voulu répondre. Il y a quelque chose en lui, parce qu'il a cru, il a, disons, il a vu les croyants, il les a vus soumis et tout, il a entendu parler du prophète, il a entendu parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais là, il est blême, il ne peut pas répondre, il y a, c'est quelque chose qui l'a échappé. Il veut se souvenir de cette chose, mais il y a un obstacle entre lui et cette chose, entre « ma rabbuk, ma adinuk, ma hada rajul alladhi bu'ita ilayk ». Un obstacle. Il ne peut pas répondre et il est dans le doute et il veut se rappeler et Allah yahoulu bayna al-mar'i wa qalbi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas soumis, il n'a pas été soumis intérieurement et extérieurement. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Par Allah, ils ne croiront, par Allah, ils ne croiront que si vraiment ils sont soumis, que si vraiment ils te prennent comme juge, que si vraiment ils te prennent comme juge, ils te prennent comme juge dans leur dispute, et ils ne trouvent aucun gêne, ils ne trouvent aucun gêne dans ce que tu as jugé, hein. C'est-à-dire soumission totale. D'accord? Soumission totale devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il va y avoir la croyance intérieure et la croyance extérieure. Donc, il veut s'en rappeler. Et ceci accentue, bien sûr, qu'est-ce qu'il accentue? Il accentue le remords. Le remords, hasa, fil qalb. Il a le remords, il est dans un état où il doit répondre, mais il ne peut pas. C'est-à-dire, il pense qu'il connaît la réponse, mais il y a quelque chose entre lui et la réponse, et il dira, ah, il dira, j'ai entendu les gens dire une chose, et je l'ai dit. Et je l'ai dit. Il ne dira pas, mon Seigneur, c'est Allah, ma religion, c'est l'islam, mon prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dira pas ça. Parce que dans la vie, il était hésitant et dans le doute. Dans la vie, il barrait le chemin d'Allah. Dans la vie, il barrait le chemin de la propagation de l'islam. Il ne laisse pas que la parole d'Allah et la parole du prophète atteignent les gens. Il ne laisse pas cette lumière atteindre le cœur des gens. Donc, dans le delà, Allah subhanahu wa ta'ala va barrer le chemin entre lui et cette parole. qui va le sauver dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui va se passer après? On lui demande dans sa tombe, et il a grand besoin à la réponse juste. À la réponse juste, il ne peut pas, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dite à mon tour. Et il ne va pas répondre, Allah ne va pas l'affermir dans la tombe. Dans sa croyance, donc sa croyance, elle est réduite à quoi? Elle est réduite à une parole. C'est une simple parole ici-bas dans la vie. Il dit la ilaha illallah dans la vie, mais sans qu'elle ait un effet sur son cœur. Parce que la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bi haqqin fil wujud illallah. On adore que lui. On a la crainte qu'on lui. On a l'espoir qu'on lui. On a l'amour qu'on lui. On a l'appréhension qu'on lui. C'est ces actes du cœur qui doivent être adressés à lui. Et puis, puisqu'on l'aime, on se rapproche de lui en propageant la bonne parole. Puisqu'on l'aime, on se prosterne devant lui. Puisqu'on l'aime, on est bien envers son voisin. Donc, ça agit sur le comportement. Donc, c'est ça la ilaha illallah. فيضرب بمرزبة فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. Il sera frappé à grands coups de barre de fer et il repoussera des hurlements, mais sur ça c'est le monde de l'au-delà. عالم البرزخ. Des hurlements de douleur que l'univers tout entier entendra à l'exception des hommes. Seuls les êtres humains et même les djinns, ils ne peuvent pas entendre ce hurlement. C'est-à-dire il sera frappé par qui? C'est-à-dire la personne qui n'a pas pu répondre, il sera frappé par qui? Par les anges, et donc il va pousser un cri que tout le monde va entendre, sauf l'être humain et les djinns. Parfois même, ces hurlements ont un effet sur celui qui entend. Des fois même le hurlement, il a un effet sur les animaux, sur d'autres créatures. La preuve, c'est dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté des tombes des associateurs, des mouchriquins, et son mulet a été secoué brusquement, c'est-à-dire a été secoué par ce hurlement de la personne qui a été interrogée. C'est-à-dire, il a été brusqué au point qu'il a failli faire tomber le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bête, le mulet, le baghla, la titane, le kabo, Rasulallah. Il a failli le faire tomber parce que là, le prophète, il est passé par les tombes des mouchriquins, des associateurs. Les hurlements de ceux qui subissent le châtiment de la tombe, donc, il a fait bouger au point de faire tomber le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, il est sahih, selon Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, le hadith numéro 2867. Donc, l'auteur, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, tout le monde va entendre l'hurlement, sauf les hommes, à l'exception des hommes, illa l'insan, c'est-à-dire qu'il n'entendra pas ces hurlements pour des raisons fortes. Pourquoi l'être humain, il n'entendra pas ces hurlements de la personne qui va subir le châtiment de la tombe? D'accord. Il y a premièrement, alaykoum salam, premièrement, ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, لَوْلَا أَن تَدَاكَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ. C'est-à-dire, si vous ne faites pas partie de ceux qui vont être enterrés, si l'un de vous n'enterre pas l'autre et l'autre n'enterre pas l'autre, je vais vous faire entendre les hurlements de ceux qui subissent le châtiment de la tombe. D'accord? Mais puisque nous aussi, on va nous enterrer par la miséricorde d'Allah, a voulu qu'on n'entende pas ces hurlements. Hein, d'accord? Qu'on n'entende pas ces hurlements, sinon on va être dans un état lamentable. Si vous ne faites pas partie de ceux qui vont être enterrés, j'aurai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour vous faire entendre le châtiment de la tombe. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Deuxième raison, donc il y a ça, c'est parce qu'on va être enterré. Deuxième raison, en nous cachant le châtiment de la tombe, Allah ne nous dévoile pas la mort, c'est-à-dire... Il ne nous dévoile pas le mort. Yistur. Il ne nous dévoile pas le mort. Il le cache. C'est-à-dire, c'est un sitr. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément. Et dans la clémence, il y a la protection. Et il y a sitr. Allah, l'un de ses noms, c'est sitir. Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'i sitir. Donc, il protège ce mort-là. parce qu'il va le dévoiler. Allah subhanahu wa ta'ala, il est yastur ibadah. Il les protège, il ne les dévoile pas devant les gens comme ça. Donc, il a caché ce hurlement aux êtres humains. Ça, c'est la deuxième raison. Mais fadhuj, il ne veut pas le dévoiler. Troisième raison, la famille du mort. Ça, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'alim, le cheikh al-Uthaymin, hafizahullah, il est encore vivant. Troisièmement, c'est la famille du mort. S'ils entendraient souffrir leurs proches, alors là, ils vont avoir une vie pleine de gêne. Ils vont souffrir eux aussi, s'ils entendent leurs proches crier ou subir le châtiment de la tombe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que l'être humain n'entende pas. D'accord ? Et ceci va toucher aussi, l'une des raisons, c'est que ça va toucher la réputation ou l'honneur de la famille du mort. C'est-à-dire, les gens vont dire, c'est votre enfant qui a subi ça. C'est-à-dire, la famille et tout, s'ils entendent leur mort en train de souffrir et tout, leur réputation va être touchée. Donc, c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé qu'on n'entende pas les cris, les hurlements et tout. Donc, il se peut aussi qu'on ne résiste pas à ces hurlements, l'une des raisons. Parce qu'il se peut que les hurlements du mort, c'est dans le delà que Allah, s'il nous fait entendre ces hurlements, on va s'évanouir ou on va mourir, hein, à cause d'un cri ou à cause de... Et donc aussi, il y a aussi autre chose, c'est parce que ça fait partie du monde de l'invisible. Et nous, Allah nous demande de quoi ? De croire en l'invisible, de croire à Alam al-Ghayb. Alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Il croit en l'invisible. On ne l'a pas vu, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé. سمعنا وصدقنا سمعنا وأطعنا ها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله il a décidé, il nous a informé, سمعنا et on a confirmé ce qu'Allah a dit. Ça fait partie de l'invisible, l'information ne peut pas venir de qui que ce soit, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran authentique ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique. D'accord ? C'est ça le mu'min, il croit, yu'min bil-ghayb. Et donc là, le cri est finalement deux cris, attention, pour détailler un peu. Pour détailler, il y a deux cris, parce qu'il y a deux hadiths. Le premier hadith, je vous le dis. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة c'est pas le janaza, mais le jinaza en langue arabe pure. C'est les gens qui utilisent beaucoup en dialecte et disent le gnaza ou le janaza. Mais en langue arabe pure, comme l'ont rapporté les ulama, ils ont dit jinaza. On dit le jinaza. إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع لصوتها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق رواه البخاري. Donc, إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. أبو سعيد الخدري il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم il disait quand le cercueil est placé et que les hommes le portent sur leurs encolures, si vous voulez, c'est ça, sur leurs épaules. Si le mort était vertueux, il dit, hâtez-vous de me présenter. S'il était non vertueux, il dit à sa famille, malheur à moi, où me portez-vous? S'il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas obéi à Allah ni au son prophète, il va être dans un état lamentable. Où est-ce qu'il l'emmène sur leurs épaules? Où est-ce qu'il l'emmène? Il l'emmène vers le grand châtiment. S'il était non vertueux, il dit à sa famille, malheur à moi, où me portez-vous? Sa voix est entendue de toutes choses, sauf de l'être humain, car s'il entendait, il entendrait, foudroyé de terreur. Donc ça c'est le premier cri. Quand ils le portent sur leurs épaules, il va crier. Là, ceux qui le portent sur leurs épaules, ils sont dans le monde d'ici-bas. Lui, il est dans le delà. Lui, il crie, et eux, ils partent, ils marchent pour l'enterrer. Donc sa voix elle va être entendue, elle va être entendue de toutes choses, sauf de l'être humain, car s'il entendait, il entendrait foudroyé de terreur. Il va être foudroyé, il va être secoué. D'accord ? Il va être secoué. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Donc, ça c'est une voix, ça c'est un cri qu'il va faire. Ça c'est un cri qu'il va faire. Mais c'est le premier cri, parce que j'ai parlé de deux hadiths, je vais parler de l'autre hadith. Alors que le hurlement dans la tombe, le hurlement dans la tombe, c'est autre chose. Le hurlement dans le cercueil, c'est une chose, quand il est porté sur le dos des gens. Le hurlement dans la tombe, c'est autre chose. D'accord ? Alors que le hurlement dans la tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il va pousser un hurlement que tout ce qui est autour va l'entendre, à l'exception des djinns et des humains. Tout le monde va entendre, sauf les djinns et les humains. D'accord ? N'ayez pas peur. On parle de la tombe. Alors que le hurlement dans la tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va pousser un hurlement que tout ce qui est autour va l'entendre, à l'exception des djinns et des humains. As-saqalain, c'est-à-dire les djinns et les humains. Donc ça c'est le deuxième cri. Le premier cri sur le cercueil et le deuxième cri dans la tombe. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari sous le numéro 1374 et par le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Je continue la parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah. L'auteur a dit, après cette épreuve, c'est-à-dire fitna, après cette épreuve, l'homme connaîtra la félicité, na'im, ou le châtiment. C'est-à-dire après cette épreuve, après quand il y a les questions, ma rabbuk, ma dinuk, ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum, quand il répond, ou s'il répond, il aura la félicité, s'il répond pas, il aura le châtiment. Adab, imma na'im wa imma adab. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. Après cette épreuve, l'homme connaîtra soit la félicité, soit le châtiment. C'est la parole de Ibn Taymiyyah dans le Wasifiyya, vous allez trouver dans vos petits livres. هذا لمطلق الترتيب وليس للتراخي لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة. نعم. C'est-à-dire que cette félicité, ce châtiment, c'est sur le, c'est-à-dire il est établi vite fait, c'est-à-dire juste après cette fitna, après cette épreuve, il sera frappé par un coup de barre de fer et il subira le châtiment s'il ne répond pas. D'accord ? S'il ne répond pas, c'est directement il subira le châtiment. Il n'y a pas un temps de latence. Il y a adab, mubashara. Donc cette félicité et ce châtiment, là une question. Cette félicité ou ce châtiment, est-ce que c'est sur le corps ou sur l'âme ? Est-ce que c'est sur le corps ou sur l'âme ou bien sur les deux? Alors ça c'est une question. Réponse, ce qui est connu chez Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'à l'origine la félicité ou le châtiment sur l'âme d'abord, puis le corps après. Ahl Sunnah wal Jama'a, la majorité des ulama, ils disent l'adab ou l'na'im, ala al-ruhi, thumma ala al-badan, sur l'âme d'abord et après sur le corps. Puisque, bon, ici-bas, le châtiment, il est sur quoi? Les punitions et tout. Ils s'établissent sur quoi d'abord? Sur le corps, et puis il y a l'âme qui souffre aussi. D'accord? De même ici-bas, on peut même sentir ça. Il se peut que notre âme soit châtiée sans que notre corps ne soit touché. Même des fois, le corps, il est touché après. C'est par exemple, quelqu'un, il dort, il se couche, il fait des cauchemars. Son âme, il est dans un état terrible. Et son corps, bon, il subit pas le... Et des fois, il le ressent même le matin, il sent qu'il est mal, qu'il a des douleurs dans le muscle et tout. C'est-à-dire qu'il a subi une douleur dans l'âme et qu'il s'est répercuté sur le corps. D'accord ? Mais en général, dans la vie, le châtiment, c'est sur le corps et c'est l'âme, avec les remords, avec les regrets, avec beaucoup de choses, et ça se répercute sur elle. Puisque, bon, les lois légiférées, les ahkam shar'iyya ici-bas, les lois, elles sont sur le corps. on juge l'extérieur des gens. Ici-bas, on juge l'extérieur. On juge l'extérieur des gens. Dans la vie. Et sur, c'est-à-dire, on juge sur l'extérieur, c'est-à-dire, les gens, on les juge selon leur apparence et on laisse Allah subhanahu wa ta'ala le soin de juger l'intérieur. D'accord ? Nous, on juge l'extérieur et Allah yatawalla sara'ir. L'ahkam, les lois, sur une personne qui fait la prière, c'est un musulman. Ça y est, on ne doit pas, peut-être qu'il est hypocrite, peut-être qu'il est comme ça, peut-être qu'il est comme ça, peut-être qu'il est comme ça. Non. On ne juge pas l'intérieur des gens, on ne sait pas. Mais on juge l'extérieur. Comme le hadith de Oussama ibn Zayd et ensuite. Donc, le jugement ici-bas, c'est sur les apparences. Et le jugement dans l'au-delà. Non, laisse-le. Bon, le jugement ici-bas, c'est sur les apparences. Et le jugement dans l'au-delà, sur l'intérieur. Donc, dans la tombe, c'est sur l'intérieur. Parce que là, ça y est, ce qui est à son intérieur, il va être dévoilé. C'est sur l'intérieur. C'est-à-dire, dans la tombe alors, ils ont dit, les ulama, que le châtiment et la félicité, yani l'azab ou na'im, sont sur l'âme. Mais le corps subit l'effet. Le corps, il subit l'effet. C'est-à-dire, l'âme, il subit le châtiment et le corps, il suit après. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'ont dit les ulama. Qawluh, imma na'imun wa imma azab, ça, c'est la parole d'Ibn Taymiyyah, félicité ou châtiment. Dans la tombe, il n'y a pas. Il y a soit le na'im, soit l'adab. Donc il y a affirmation que la félicité et le châtiment sont dans la tombe, et ceci est prouvé par le Coran, par la sunna du prophète sallam, et par l'unanimité des savants. Kitab, wa sunna wa ijma' al-ulama. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ سورة الواقعة دي verset 83 jusqu'à 94. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond et qu'à ce moment-là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi de la part des gens de la droite. Paix à toi, c'est-à-dire salamun alayk, par les gens de la droite, par les anges. Et s'il est. Hein? فسلام لك من أصحاب وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب. Non, non, c'est lui qui fait partie des gens de la droite. C'est lui. Ouais. Mais ceux qui vont dire salam, c'est qui? Les anges, الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. Donc ça c'est dans sourate al-Nahl ou sourate al-Ra'd. C'est-à-dire ils vont dire salam alaykum, paix à toi. Et s'il est de ceux qui auraient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. La ilaha illallah. Donc ça c'est clair, c'est-à-dire sur le châtiment de la tombe, sur le châtiment juste après que l'âme quitte le corps, ou la félicité. Et donc ça on peut même le voir, certains gens, quand la personne il est au terme, c'est-à-dire que l'âme elle va quitter, il regarde des gens que, il regarde des choses que nous on regarde pas. Des fois même il accueille les anges qui l'entourent quand il est en train de mourir et tout. Il وهذا أمر مشاهد يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة ويقول مرحبا وأحيانا يقول مرحبا اجلسونا كما ذكره ابن القيم في كتاب الروح. Ibn al-Qayyim il a écrit dans le livre Al-Ruh que tu vois la personne est en train de mourir, l'âme elle va quitter, en même temps il est en train d'accueillir les anges et il dit assis-toi-là, assis-toi-là, assis-toi-là, c'est-à-dire il est dans un état, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va vivre le bonheur. Donc il est en train de les accueillir et il est en sécurité. وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. Alors si par exemple il est parmi les gens qui vont subir le châtiment, son visage il peut même changer et il peut être dans un état de gêne et tout parce que les anges du châtiment sont descendus pour lui dire voilà tu vas mériter l'enfer. Hein? Et parmi les preuves dans le Coran, min adillat al-Qur'an, qawluhu ta'ala fi ali fir'aun, an-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya. Wa hadha qabla qiyam as-sa'a bi dalil qawlihi wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adhab. Dans sourate Ghafir, verset 46. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ceci, Allah dit dans le Coran, le feu sur les gens. Les gens qui ont suivi Pharaon. Allah il dit d'eux le feu auquel ils sont exposés matin et soir, ici-bas. Et la suite des versets, ceci bien sûr avant la résurrection, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après il va dire, et le jour où leur arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Donc il y a un châtiment d'ici-bas et un châtiment dans le delà. Vous avez compris le verset? Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ça c'est ici-bas. Et après Allah il dit et le jour où leur arrivera. Ah, c'est-à-dire qu'il y a déjà un châtiment avant, c'est celui du matin et soir. Et puis après le jour où leur arrivera, il sera dit faites entrer les gens du Pharaon au plus dur du châtiment. Donc ça c'est le verset 46 dans Surat 40. Surat Rafir. Le corps est transformé, le corps. De toute façon, les ulama et tout, ils ont dit que le corps se transforme, mais dans l'au-delà, le châtiment, il va atteindre l'âme et il va atteindre le corps aussi. C'est ce qu'ont dit les ulama là-dessus. Reste à savoir comment ou quoi que ce soit. Allah a'lam, seul Allah connaît le comment. Une autre preuve, dalil akhar. Allah ta'ala, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. وهم شاحون بأنفسهم لا يريدونها أن تخرج لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة فتجد الروح تأبى الخروج ولهذا قال تعالى أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون نصرة الأنعام. الله سبحانه وتعالى dit si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les arbres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensé par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Allah il dit si tu voyais les anges, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant dans les affres de la mort. Ils sont dans un état avant la mort. Ça. Dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. D'accord ? Dans l'état, avant que l'âme il quitte, les anges l'entourent et ils vont dire « Maintenant tu vas subir. » C'est maintenant que tu vas subir. Il n'y a pas d'attente. Maintenant. « Wa law tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basatu aydihim akhrijoo anfusakum. » Sortez-vous de cette situation, vous êtes dans une situation, maintenant sort. Essayez de sortir maintenant. Al-yawma tujzawna 'adab al-hun. Aujourd'hui, wal-yawm lil-hudur, al-'ahd al-huduri, comme a dit le Cheikh Al-Uthaymeen. Al-yawm, maintenant, aujourd'hui, vous allez être récompensé par le châtiment de l'humiliation. Aujourd'hui, l'humiliation, vous allez la subir maintenant. Ils disent les anges, avant que l'âme il quitte, avant qu'on va le faire asseoir dans la tombe, hein, maintenant, ils vont le dire, maintenant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'âme, elle va se disperser dans tout le corps, elle ne veut pas sortir. Où est-ce qu'elle veut sortir? Comment? Où est-ce qu'elle va sortir? Et c'est que si elle sort, elle sort dans le monde du châtiment, le premier ciel ne va pas s'ouvrir, la porte du ciel ne va pas s'ouvrir. Inna alladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwab as-sama wa la yadkhuluna al-janna. Ceux qui ont démenti, ceux qui ont renié nos versets, ceux qui ont gonflé d'orgueil, les portes du ciel ne vont pas s'ouvrir. Et les anges ils vont dire à qui appartient cette âme mauvaise, ils vont la rejeter, ils vont lui faire un linceul d'enfer et ils vont la châtier et il va redescendre à la personne, il va se disperser. Et là, pour la sortir, c'est comme mettre une barre avec des crochets dans de la laine mouillée. C'est comme ça. C'est-à-dire, pour la sortir, l'âme, elle va se disperser dans le corps au point que si on la sort, c'est-à-dire elle va se coller aux os et aux muscles. Elle ne veut pas sortir. Hein, d'accord ? اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتنا تستكبرون. دليل آخر. Une autre preuve dans le Coran. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة dans سورة النحل. Ah oui, voilà. سورة الزبي verset 32. وذلك في حال الوفاة. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Ça pour les gens qui sont croyants. Les anges sont autour d'eux, ils vont dire paix sur vous. Et là, comme on a dit dans l'autre jour, que l'âme elle va sortir comme une goutte qui sort de la bouche d'une jarre, c'est-à-dire avec facilité. Hein? C'est pas le croyant, on va pas subir le même sort que le kafir. ولقد جاء في الحديث الصحيح يقال لنفس المؤمن اخرجي ايتها النفس الطيبه الى مغفره من الله ورضوان فتخرج بهذه البشرى وتخرج منقاده سهله وان كان البدن قد يتالم لكن الروح منقاده مستبشره. الحديث يقال لنفس المؤمن اخرجي ايتها النفس الطيبه الى مغفره من الله ورضوان. الحديث il va être dit à l'âme du croyant, ô âme bonne, sors vers une clémence et un agrément venant d'Allah. C'est-à-dire, et cette âme, elle va se réjouir de cette bonne nouvelle et elle sort facilement. Donc, à l'unanimité des ulama, tous les musulmans disent dans leur prière, on sait, on a parlé de preuves dans le Coran, on a parlé de preuves dans la Sunna, tel ce hadith-là, hadith sahih, et l'ijma. Bien sûr, c'est à l'unanimité, et dans Tashahud, on dit, Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr. ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح والدجال. Donc c'est clair. Donc le châtiment, la félicité, est-ce qu'ils sont permanents ou est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce qu'il y aura une période d'interruption de ce châtiment ou ce bonheur? Question. Est-ce que c'est continu? Le châtiment, la félicité sont permanents ou il va s'arrêter à un moment? La réponse, c'est que le châtiment des mécréants est permanent. Le châtiment des kuffars, azab al-qabr lil kuffar, يعني دائم حتى تقوم الساعة. Il est dans, il subit le châtiment jusqu'au taqom sa'a et après le grand châtiment après. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas un temps de latence. Parce qu'ils l'ont mérité, donc ils l'ont mérité, si le châtiment s'arrête, ceci veut dire qu'ils vont se reposer alors qu'ils ne méritent pas le repos. Comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, le châtiment est perpétuel jusqu'au jour dernier. Même si la parole, même si la période est longue, le peuple de Noah qu'Allah a noyé sont en train de subir le feu et le châtiment et continue jusqu'au jour dernier. Le peuple de Noah, mimma khati'atihim ughriqu wa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. À cause de leur péché, le grand péché de leur chef, Allah va les a noyés et vont subir le feu ici-bas et dans le delà, c'est l'enfer. Donc c'est continuel et nous on croit, on est sûr qu'ils subissent encore le châtiment. Maintenant qu'on part, ils subissent maintenant le châtiment le peuple de Noé, de même que le peuple de Pharaon. Donc, et celui qui fait les péchés parmi les croyants. Celui qui fait les péchés parmi les croyants, Allah, c'est-à-dire qu'Allah décide des bons, qu'ils subissent le châtiment, cela, il se peut que ce châtiment soit continu ou pas. C'est-à-dire, il se peut que le châtiment soit pour le croyant, ne soit pas continuel. C'est-à-dire, il subit un moment et puis après, suivant les péchés, suivant la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même les croyants qui ont fait des péchés, ils peuvent subir le châtiment de la tombe. Mais il peut s'arrêter à un moment. Il peut s'arrêter par la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que dans la tombe, il paye pour que quand il soit devant Allah subhanahu wa ta'ala, il se retrouve devant Allah sans péché. Donc Allah, il les purifie. Allah, il purifie le croyant, soit ici-bas par les épreuves, soit il le purifie par la tombe, les épreuves de la tombe et le châtiment de la tombe. Et après, il est pur devant Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre au paradis directement. Donc, les ulama, ils disent qu'il se peut pour le croyant que le châtiment soit apaisé. D'accord ? Donc ça, on a fini le châtiment et la félicité de la tombe. On a fini la première étape de la tombe, ce qu'on appelle al-qiyamatu sughra, c'est-à-dire à la mort de la personne. On a parlé de ça. Maintenant, al-qiyam al-kubra. Faslan fil qiyamati al-kubra. Ibn Taymiyyah, il a dit « Imma na'imun wa imma azabun ila an taqoum as-sa'a » Après cette épreuve, c'est-à-dire le questionnaire, l'interrogatoire des anges dans la tombe, l'homme connaîtra la félicité ou le châtiment jusqu'au jour de la grande résurrection. Donc la grande qiyama, c'est celle où les gens sortent de leur tombe. Quand les gens ils sortent de leur tombe. La petite qiyama, c'est quoi? À la mort de la personne. Ça y est. Même avant que l'âme sorte, tu vas voir les choses. Les anges du châtiment, les anges du bonheur. Avant qu'ils sortent. ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Mais c'est pas si vous méditez sur ces paroles-là. Subhanallah, notre qiyam à nous, il est proche. On ne sait pas si on va vivre jusqu'à ce soir ou le lendemain. Oh, il se peut que ce soir ou le lendemain, on se retrouve dans le delà. Il y a plusieurs gens, ils sont dans leur lit, du lit de sa chambre. Avec plein de confort, épéda et tout, il se retrouve dans le lit de la tombe, assis devant les anges, et il lui demande « Ma rabbouk, ma adinouk, ma hada rajoul ladhi bu'itatikou » Subhanallah. La ilaha illallah. Il est proche, la qiyama. Il est très proche, qiyama sora. Même mata qamat qiyamato. Il n'y a pas un temps de latence. Il n'y a pas un temps de dormance. Il n'y a pas un temps. Tu vas vivre directement dans le barzakh. Alam al barzakh, il a imma na'imun wa imma azab. Soit félicité, soit châtiment. Et là, tu vas voir ton endroit en enfer et ton endroit au paradis. Tu vas le voir. Vite fait, c'est pas. Parce que la mort, c'est juste un petit passage. الآن القيامة الكبرى، فصل في القيامة الكبرى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، la grande قيامه c'est elle où les gens sortent de leur tombe. La قيامة الكبرى quand les gens ils vont sortir de leur tombe. Ils se tiennent debout devant le Seigneur de l'univers. يوم يقوم الناس لرب العالمين. D'accord. Donc la première chose, la résurrection et le jugement dernier, les âmes, il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-arwah fatu'adu al-arwah ila al-ajsad. Fatu'adu. Le ventre de sa mère, akhadakum bi-batni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, il va sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien du tout. Là, ou bien quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, et là, l'ange, il va insuffler l'âme. Hein? Dans le hadith, là, il va écrire est-ce qu'il va vivre heureux ou malheureux, et son âge, etc., etc. Ça, c'est le premier rapport de l'âme avec le corps. Quand il sort maintenant, quand il sort, il a un autre rapport. Quand il sort dans le monde de l'au-delà, il est assujetti, il doit obéir aux lois d'Allah, il doit faire ça, il ne doit pas faire ça. Là, le rapport avec l'âme et son corps, c'est un deuxième rapport. Le troisième, quand il dort, وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Donc Allah il a dit que le fait que quand la personne il dort, c'est une sorte de mort, wafat. Donc c'est un autre rapport de l'âme avec le corps. Le quatrième rapport de l'âme avec le corps, c'est dans la tombe. D'accord? Il subira le châtiment, l'âme subit le châtiment, le corps il subit le châtiment. L'âme il subit le bonheur. Et le corps, il subit le bonheur. Le corps, je dis, al-jasad. C'est pas celui qui est désagrégé qu'on voit et tout. On voit, nous, le corps, il est désagrégé, il est oxydé, la matière organique, ça y est, il s'est oxydé. Puis la matière minérale, il commence à se fragmenter, etc., etc. Il commence à devenir poussière. Mais dans l'au-delà, les ulama, ils disent que son corps, s'il est croyant, il vit le bonheur. D'accord? Et c'est l'âme en priorité dans l'au-delà. Maintenant, le jugement dernier, Al-Qiyam al-Kubra, les âmes, ils reviennent au corps. Un autre rapport. Le cinquième rapport. Après la tombe, c'est quoi? Al-Qiyam. Le jour dernier. Parce qu'il n'y a pas de jour après ce jour-là. Il n'y a pas de jour. L'éternité. Na'imun wa la maut, ou azabun wa la maut. Il n'y a pas de mort après. Ça y est. Quand les âmes, ils vont revenir, un autre rapport. C'est l'au-delà, c'est l'éternité. Donc, depuis que tu ne peux pas t'en sortir maintenant de cette situation. Vous vivez pour l'éternité. Il n'y a pas de fin, il n'y a rien. Vous vivez pour l'éternité. L'il-kholoud. Imma na'im, imma adam. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? Voilà la croyance, la foi du musulman. Aqidat al-muslim. Tu vis pour l'éternité. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, tu vis pour l'éternité. Il n'y a pas de poussière. Ça n'existe pas, comme disent les koufars. On va en parler. Ceci est après le deuxième souffle. Les âmes arwah seront ramenées au corps. Ils vont être ramenés au corps. Amen. Celui quand cet événement il arrive quand? Au deuxième souffle. C'est le deuxième, je vais détailler après. Le deuxième souffle de Israfil, alayhi salam. Israfil, il va souffler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ dans Sourate al-Naba. Donc quand il va être soufflé dans la trompe. Donc Israfil, alayhi salam, va souffler. Et les âmes vont sortir de cette trompe, vont sortir et vont revenir au corps. Des gens qui sont dans Alam al-Barzakh, dans les tombes. D'accord? Suis-je clair? Donc ça c'est après le deuxième souffle. Après que l'âme a quitté le corps à la mort. Alors ce retour de l'âme n'est pas celui du Barzakh. C'est-à-dire quand les anges demandent aux morts à propos de son Seigneur, sa religion et son prophète. D'accord? L'âme, elle va monter. Pour le croyant, il va revenir. Et là, les anges, ils vont l'asseoir et vont lui demander من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث بكم. هذه الروح ترجع له تيجو لام il va revenir à cette personne et puis cette personne il va répondre, d'accord, il va répondre. Et ça, ce retour là, c'est pas cela dont on parle. Nous on parle du retour quand l'âme, quand Israël, il va souffler dans la tombe. Là, les âmes, elles vont sortir et vont revenir au corps. Et là, c'est le jugement dernier. D'accord? Vous avez compris? Le retour, comment? Absolu, le retour définitif. Parce que même les prophètes, comme le professeur Asselin, quand on dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, l'âme, son âme revient en lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il nous répond. Il répond. D'accord? Mais il revient, c'est un retour qu'Allah, c'est-à-dire dans le monde de l'au-delà. Ce retour, ce n'est pas le retour de l'au-delà. Parce que le retour définitif, c'est celui de Israfil. D'accord? Les âmes, elles vont revenir. Et Allah va demander à Israfil de souffler dans la trompe. Ceux dans les cieux et dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Ah, maintenant je vais faire la part des choses, parce que vous êtes un peu brouillés. Il y a deux souffles de Israfil. Deux. Le premier souffle, les âmes, il n'y a pas d'âmes qui vont sortir. Le premier souffle de Israfil, la mort de ceux qui sont restés sur terre. Nous, on va mourir. Peut-être qu'il y a d'autres générations. Il y a l'alamat, les grands signes. Hein? Le venu du Mahdi, le Muntadhar. Hein? اسمه على اسمي واسم أبي على اسم أبي محمد ابن عبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم il nous a décrit comment il est le retour du Messie Dajjal qui est la grande fitna qui effraie le monde entier et que tous les prophètes ils ont mis en garde leur communauté contre le Messie. La venue du Messie Dajjal, la venue, j'ai confondu avec Isa ibn Maryam. La venue du Messie Dajjal, et les ulama, ils ont dit que c'est une personne, c'est pas un événement de société, c'est rien. Ils ont dit que c'est un être humain. C'est un être humain, puisque le prophète, il l'a décrit, il a dit Al-A'war, ma min nabiyin illa wa anzara qawmahu al-A'war al-Dajjal. Tout prophète, il a mis en garde sa communauté contre le borne menteur. Donc il est borne, ça veut dire qu'il a deux yeux et un œil, il ne voit pas avec un œil. Et il a même décrit cet œil, c'est comme un raisin qui est sec. Ah d'accord, donc il est décrit dans le livre, vous allez trouver sur ce dans le livre de Fitan, de Kitab al-Fitan, l'Bukhari, rahimahullah. Beaucoup de hadiths, description de ce Messie, déjà comment il est, d'accord. Et même à l'époque du prophète, il y avait une personne qui a pris la forme de Dajjal. Et même il a fait peur aux compagnons du prophète. Cette personne s'appelle Abdullah ibn Sayyad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un être humain. D'accord? Messie Dajjal. Il est une grande tentation. Le prophète, il a parlé, il a beaucoup parlé de lui. Il va attirer les gens, les juifs, ils vont le suivre. Il va faire des prodiges, il va... faire pleuvoir, bien sûr, avec la permission d'Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre comme preuve, comme pour éprouver les vrais croyants. Est-ce qu'ils sont solides? Est-ce qu'ils vont croire à Allah subhanahu wa ta'ala? Ils vont être fermes dans leur dogme. Ils ne vont pas suivre l'argent, parce qu'il aura l'argent, il aura beaucoup de choses. Les délices de la vie, hein. Et beaucoup de monde vont le suivre. Donc bon, je parle des signes. Messie Dajjal, puis le retour de Isa. Hein? Wa ma qataluhu, wa ma salabuhu, wa lakin shubbiha lahu. Hein? وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه الله إلى البرمي وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي العلماء يقولون متوفيك c'est pas une mort, c'est une mort qui ressemble au sommeil. Donc il va, Allah l'a monté vers lui et il est vivant et il va retourner et il va combattre avec Al-Mahdi et il va suivre la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il va descendre non pas comme un prophète mais comme un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, et il va casser la croix et il va tuer le porc. et il va combattre le Messie Dajjal, et c'est lui qui va le dire, comme c'est rapporté par beaucoup de hadiths authentiques. D'accord ? Donc après ces signes-là, qu'est-ce qu'il va avoir ? Le Coran, il va être élevé vers Allah, subhanahu wa ta'ala. يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه آية حتى لا تبقى منه آية صديق الإسلام il va se disons dissoudre, il va s'atténuer, c'est-à-dire les gens ne vont plus prier, ne vont plus faire le ramadan, le jeûne, ils ne vont plus faire appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne vont plus juger avec ces lois, et donc progresse avec le temps. Ça c'est après les signes. Bon, comme le tissu quand il dit, il va s'effiler, c'est ça? S'effiler, comme le dessin qui est brodé. Le professeur Hassan dit Washitou, hadith Hudayfa ibn al-Yamam, un des compagnons qui rapporte ce hadith. Il dit que l'islam va s'atténuer, ses lois vont plus être appliquées comme le dessin, la broderie là qui va s'effiler, et puis jusqu'aux gens, ils vont ne connaître ni prière, ni pèlerinage, ni sad aumône, ni rien. Et puis il y aura une génération de vieux. Des vieux, ils vont dire, on a entendu nos ancêtres dire une parole, la ilaha illallah, fa nahnu naqulha. D'accord. العجوز الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. Il se rappelle que cette parole, subhanallah. Là, les versets d'Allah, la yusra ala kitab illahi fi layla, c'est-à-dire que les versets d'Allah vont monter, parce que les versets d'Allah, le Coran, il ne va pas être parmi des gens. Allah, il est ce Coran, ce qui est la parole d'Allah, il ne va pas être au milieu de gens qui n'appliquent pas ces lois, qui n'appliquent pas, qui ne font pas la prière, qui ne se conforment pas à ces lois. Donc Allah va l'élever, puisqu'il n'y aura que du monde mauvais, ils ne vont pas suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc après ça, quand il y aura shirar al-khalq, les mauvais gens, et c'est sur ces gens-là, taqoum musta'a, sur ces gens-là, il y aura bien sûr rih tayyiba, un bon vent qui va prendre l'âme des croyants, la minorité des croyants, et puis il n'y aura que des gens mauvais. Et sur ces gens-là, Israfil va souffler. Il y aura Sark. Il va souffler. Et tout ce qui est sur terre, il va mourir. Tout ce qui est sur terre, tous les vivants qui étaient... Taqoum sa'atu ala shirar al-khalq. Le premier souffle, ça. Nufikh al-nafkhul awwal. Je vais ramener les preuves dans le Coran. Et dans la sunna aussi. Tout ce que je dis, alhamdoulilah, c'est aqidah, c'est authentique. Ce souffle-là de Israfil, la mort, tout ce qui est sur terre. Plus de vivants sur terre, plus de vivants. Puis il y aura une période. Et là, je vais parler du reste. Je vais d'abord évoquer la parole d'Ibn Taymiyyah avec certaines explications, et après on va parler des deux souffles, d'accord? Donc, Allah va demander à Israfil de souffler dans la trompe, ceux dont les cieux et dont la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Maintenant c'est la mort, tous ceux qui sont dans les cieux et les anges, ils vont être effrayés, mais les êtres humains sur cette terre, les créatures, ils vont mourir. Et au deuxième souffle, les âmes, regarde, suivez-moi bien, les âmes, ils vont sortir, ils vont quitter la trompe, sort Israfil, vers le corps pour y rentrer. D'accord? Le premier souffle, la mort, une période, le deuxième souffle, les âmes vont sortir, ils vont rentrer dans les êtres humains. Chaque être humain, son âme, il le connaît, il va rentrer en lui. D'accord? ومن قول وفي قول المؤلف إلى الأجساد إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة فإذا كملت خلقتها نفخ في الصور فأعيدت الأرواح إلى أجسادها. L'auteur en disant au corps, c'est-à-dire que l'âme retourne au corps, signifie que les âmes ne sortent de la trompe qu'après que les corps soient au terme de leur création. Mais ça, je vais éclaircir après. D'accord ? Les corps, qu'est-ce qui va se passer ? Le corps va se créer, le corps de l'être humain. Le retour à la créature, là où il était avant. D'accord ? Donc, quand il sera au terme de sa création, l'âme, elle rentre en lui. C'est-à-dire que, et ça rappelle, il ne va pas souffler que quand les corps, elles sont prêts à recevoir l'âme. D'accord ? Donc, quand les corps sont créés, on soufflera dans la trompe et les âmes retournent à ce corps-là. وفي قوله تعاد الأرواح إلى أجسادها دليل على أن البعث إعادة. C'est-à-dire quand on sera ressuscité, c'est un retour. C'est pas une autre création. C'est-à-dire toi, tu es. C'est-à-dire c'est pas une autre personne à ta place. C'est toi qui vas revenir. C'est un retour. Un retour, c'est-à-dire ton corps il va retourner là où comme il était dans la vie. C'est-à-dire un retour. D'accord. يعني دليل على أن البعثة إعادة وليس تجديدا c'est pas un renouvellement c'est pas que tu vas obéir que vas, le corps il va subir un stade de passage non c'est un retour à la création à la créature que tu étais pendant la vie نعم بل هو إعادة لما زال وتحول فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما يجمع الله هذا تعالى هذا المتفرق حتى يكون الجسد فتعاد الأرواح إلى أجسادها وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل ابن تيمية dit les âmes seront ramenées au corps preuve que la résurrection c'est un retour et non pas un renouvellement c'est un retour de ce qui s'est perdu et s'est transformé c'est-à-dire tes atomes les atomes de carbone et ta composition là, tes atomes et tout, ils vont revenir. Ils vont revenir. C'est-à-dire là, tes os et tout, ils vont revenir. Et puis, ils vont former l'être humain que tu étais. C'est pas une autre création. C'est pas une autre création. C'est un retour de ce qui s'est perdu et s'est transformé. On sait que le corps se transforme en poussière et les os aussi. Allah réunit tout ce qui a été dispersé. Parce que c'est évoqué dans le hadith qu'Allah il va dire aux atomes de revenir et de reformer la personne qu'il était avant. D'accord ? Tes os qui étaient dispersés, même dans ce qui s'est évaporé, Allah il peut revenir ça. Il va le faire revenir. D'accord ? Jusqu'à ce que le corps soit complet, après l'âme revient encore. Celui qui prétend que les corps se créent de nouveau, celui-là est dans l'erreur parce que ceci, le Coran, la Sunna et la raison le contredisent. Le Coran. La preuve, le Coran, Allah il dit « Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa, thumma yu'idu, wa huwa ahwanu alayhi » Allah a dit « Et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. Et c'est lui qui a commencé la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et dans la terre. » D'accord ?« Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa, thumma yu'idu, wa huwa ahwanu alayhi » Il y a retour. C'est-à-dire, il refait la création qu'il a commencé. Et dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Laysa awwal al-khalq bi ahwana alayya min i'adati. D'accord ? Il a dit, qu'est-ce qui est plus difficile ? C'est de créer quelque chose du néant ou de le créer de substances préexistantes. C'est du néant, c'est du... Donc, i'ada, le retour, il est plus facile à Allah que la première création. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Le fait de la refaire, c'est... Allah, il dit, la suite du verset, je redis. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela, lui, est plus facile. Le retour est plus facile. الله سبحانه وتعالى دون ذنب خبرسي قال تعالى يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين dans sourate Al-Anbiya le verset 104 الله سبحانه وتعالى dit le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres tout comme Allah le ciel avec tout le ciel tu sais ce que ça veut dire les cieux les galaxies, tout ce qui s'enfuit, ne sont qu'un embellissement du ciel le plus bas. Le plus bas, le ciel le plus bas, c'est cet univers dont parlent les astronomes et les astrophysiciens et tout. L'expansion de l'univers et tout ce qui s'ensuit. Ça, ce ne sont que des étoiles qui ne sont qu'un embellissement du ciel le plus bas. Allah, il dit les sept cieux. Les sept cieux, Allah, il va les plier. Subhanallah. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Subhanallah. Yawma yatwi as-samaa'a kataayi as-sijil lil-kutub kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Wa'd, promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yukhlifu wa'da. Subhanahu wa ta'ala. La yukhlifu wa'da. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى il dit ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait être, alors que jour de la résurrection il fera de la terre entière une poignée. C'est-à-dire, là c'est une autre traduction, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste mesure, la terre entière le jour de la résurrection sera une poignée dans sa main et les cieux seront pliés dans sa main droite, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. Subhanallah. Et pour la circonstance, il y a d'après un hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que l'un des doctes des juifs vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô Muhammad, écoutez-moi bien, ô Muhammad, nous trouvons dans notre livre, c'est-à-dire la Torah, qu'Allah a placé les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau et le sable sur un doigt, et les autres créatures sur un doigt. Et il dit, je suis le roi. Jazakallah khair. يعني أن عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حديث رابورتي بار إمام البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الزمر حديث رقم 4811 4811. Je répète le hadith d'après Ibn Mas'ud qu'Allah agré rapporte qu'un des doctes juifs vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô Mohammed, nous trouvons dans notre livre qu'Allah a placé les cieux sur un lit et sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau et le sable sur un doigt et les autres créatures sur un doigt, et il dit, je suis le roi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rit au point que ses dents, c'est-à-dire nawajid, c'est quoi ? Les molaires. Au point que ses molaires apparurent en confirmation à ses paroles, puis récita, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, la terre entière, le jour de la résurrection sera une poignée dans sa main, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Ça veut dire quoi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a approuvé, alhamdulillah. Il a approuvé ce qu'a dit al-Hibr. Ça veut dire quand il a dit que yada as-samawat ala isba', c'est-à-dire il a approuvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis les cieux sur un doigt, il a tout ça. en confirmant par la parole, il récita, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, la terre entière le jour de la résurrection sera une poignée dans sa main et les cieux seront pliés dans sa main droite, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Subhanallah. Subhanallah. والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الحديث بالعربية يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه لغفرت كلان دي دوك تجوي تفهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي دي هو محمد نتروفون دوك لما أقلصي لشيء في عندوا لتير في عندوا لزارب في عندوا لو et le sable sur un doigt et les autres créatures sur un doigt et il dit je suis le roi. Et le professeur Aslam, il arrive au point que ses dents profondes apparurent en confirmation à ses paroles, puis récita le verset coranique, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, la terre entière, le jour de la résurrection, sera une poignée de sa main, et les cieux seront pliés dans sa main droite, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Ça prouve qu'Allah, il a des doigts. D'accord? Comment Allah, le prophète, Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accord? Il y a Allah, il a deux mains. Il a des doigts, preuve, confirmation du prophète. Le prophète, il a confirmé en souriant. D'accord? Le Bukhari, vous avez trouvé le Bukhari, il est, c'est pas, vous êtes dans le livre Kitab Tawhid et dans Kitab Tafsir, numéro des hadiths 4811. فطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون سورة المؤمنون et puis après cela vous mourrez et puis au jour de la résurrection vous serez ressuscité الحمد لله. Vous serez ressuscité. Ça veut dire qu'il y a un retour. Et dans un autre verset, قال تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Dans sourate Yunus, dans sourate Yassine, verset 78-79. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui va résonner sur la personne qui est. Il dit sur le mécréant là. Umayyah ibn Khalaf, je crois, il dit qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Et Allah répond, dit celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie, il se connaîtra parfaitement à toute création. D'accord? Dit celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie, il se connaît parfaitement à toute création. D'accord? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Donc c'est un retour. Et dans la sunna, les preuves sont nombreuses. Dans la sunna, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن أناسا من أصحابي أخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر الآية. Ibn Abbas a dit, le messager d'Allah nous exhorta et dit aux gens au jour de la résurrection, Allah vous rassemblera pieds nus, sans vêtements et non circoncis, et il récita ce verset. D'accord? Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, nous exhorta et dit aux gens, au jour de la résurrection, Allah vous rassemblera pieds nus, sans vêtements et non circoncis. Tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que ce morceau de peau, il va revenir. Il va revenir à la personne. D'accord ? Ce morceau qui a été perdu, il va revenir. Le messager d'Allah nous exhorta et dit aux gens, au jour de la résurrection, Allah vous rassemblera pieds nus, sans vêtements et non circoncis. Et il récita ce verset, de même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse qui nous concerne, oui, nous l'accomplirons. La première créature qui sera, la suite du hadith, la première créature qui sera revêtue au jour de la résurrection sera Ibrahim alayhi salam. L'on fera venir des hommes de ma nation qui seront mis à gauche. Alors je m'écrierai au Seigneur, ils sont mes compagnons. On me répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ. À ce moment, je dirai, comme disait Isa alayhi salam, le saint serviteur, j'ai été contre un témoin aussi longtemps que je suis resté avec eux, jusqu'à la suite du verset. D'accord ? On me répondit ensuite, depuis que tu les as quittés, ils ne cessaient de renier leur foi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire qu'on va être devant Allah subhanahu wa ta'ala, pieds nus, dévêtus et incirconcis, et que Allah, et puis après le prophète, il a dit le verset du Coran, comme abada'na awwala khalqin nu'idu, et là il y a des gens qui vont être autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète va les appeler pour boire dans le bassin Al-Hawd, et là les anges ils vont les éloigner du bassin, et ils vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont innové. Hein? Non, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier qui va être habillé, c'est parce qu'on va être habillé après. Mais c'est le premier qui va être habillé, c'est Ibrahim alayhi salam. Awwalu man yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim alayhi salam. D'accord? C'est bon? Vous avez saisi? Awwalu man yuksa. Et donc ce, Tout le monde va être pieds nus, dévêtu et incirconcis. C'est-à-dire que ce... En fait, il est né à Sarkozy déjà, je crois. Il est né quand le jour du jugement. De toute façon, le hadith, il est... Je ne vais pas rentrer trop tard. Mais ça veut dire que le morceau de chair qui s'est enlevé, il retourne en toi. Et d'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce... Je ne sais pas, subhanallah. Je peux continuer. Al-Mu'im. Donc, Hufatan, Uratan, Ghorlan. Qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Khalas. Ça y est, Al-Bukhari ou Muslim. On est devant Allah, pieds nus, dévêtus, incirconcis. D'accord ? Et le premier qui va être habillé, awwalu man yuksa, Ibrahim, alayhi salam. Et la suite du hadith, c'est que des gens, ils vont, le prophète sallam va les voir, va les connaître par leur trace d'ablution, etc. Et les gens, il va les appeler pour qu'ils viennent voir dans le bassin, al-Hawd. Et là, les anges ils vont les repousser, il va dire, Ashabi, venez, et les anges ils vont dire, tu sais pas ce qu'ils ont fait après toi, ils ont innové, ils ont changé le dogme, ils ont falsifié, ils ont suivi leur passion, et ils ont suivi leur goût, leur ambiguïté, à chaque fois qu'il y a une ambiguïté, on les draine, et ils la suivent, à chaque fois qu'il y a un imam égareur, ils le suivent, jusqu'à ce que leur cœur en noircit, jusqu'au point où ils luttent. Ils luttent contre la voie du salam. Ils luttent contre al-sunnah al-jama'a. Ils cherchent tous les moyens pour t'arrêter de parler. D'accord ? An Abi Huraira radiallahu anhu. Je continue la différence. Maintenant, je retourne entre la différence entre les deux soufis. An Abi Huraira radiallahu anhu. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qal. Bayna al-nafkhatayn arba'oun. بين النفختين 40. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre les deux souffles de la trompe, il y a une période de 40. Les deux souffles. Le premier souffle, c'est quoi? Sa'r, nabrat sa'r. Le souffle de Israfil, quand tout ce qui est sur terre va mourir et tout va être effrayé dans les cieux. D'accord? Et la terre. Et la mort, et après, il y a une période de 40. Et il y a le deuxième souffle. D'accord? Il y a le deuxième souffle, et c'est au deuxième souffle qu'il y a le retour de l'âme au corps. D'accord? Et là, Abu Huraira dit, entre ces deux périodes, entre le premier souffle et le deuxième souffle, il y a 40. D'accord? Ah, voilà, la réponse. Ils ont dit, et Abu Huraira dit, que le prophète a dit, entre les deux souffles de la trompe, il y aura une période de 40. Ils dirent, oh Abu Huraira, est-ce 40 jours? Il dit, je refuse de me prononcer. Ils dirent, est-ce 40 mois? Il dit, je refuse de me prononcer. Ils dirent, est-ce 40 ans? Il dit, je refuse de me prononcer. Allah a'lam. Abayt. Ah, ya Abu Huraira, 40 yawman, qala abayt. قالوا 40 سنة قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت يبقى كونتينيو أبو هريرة ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ها لا سويت بحد Tout le corps de l'homme sera mangé par la terre. Il sera oxydé, la matière organique va être oxydée, tout ce qui est composé de carbone, etc. Tout ce qui est mou, la matière minérale, avec le temps, il va être désagrégé. Qu'est-ce qui reste? Abu Huraira dit, il nous dit, tout va disparaître, tout va être mangé, va être désagrégé par la terre, sauf la tête de son coccyx. Une partie du dernier, de la dernière vertèbre de la colonne vertébrale. Il y a une partie qui va rester, c'est elle qui va résister. Et c'est elle qui détient tout. Là, Abu Huraira nous dit ça. Il va rester sur terre, dans la terre, tout ça. C'est tout le corps va être désagrégé, sauf Ajbud Zanab. C'est-à-dire la partie de la tête de son coccyx. Et c'est à partir de cet os que se crée l'homme. Alors ce morceau-là, il va rester sur terre. Qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre, puis Allah fera descendre du ciel une eau. Et les hommes repousseront de nouveau quand pousse la verdure. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. Ils vont pousser comme مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أن الآية ثم يعيدكم فيها والله أنبتكم من الأرض نباتا أنبتكم. Vous êtes sortis de la terre comme des plantes. ثم يعيدكم فيها. Ils vont retourner. ويخرجكم إخراج. Alors, le premier souffle, la mort, plus personne sur cette terre. Le coccyx qui va rester, et puis Allah il va faire pleuvoir une eau. Je ne sais pas si c'est H2O, mais une eau. Il va faire pleuvoir cette eau. Et là, les êtres humains, ils vont pousser à partir de cette os. Ils vont pousser. Retour. Et je crois, il y a même dans certains hadiths, et je crois parole de ulama, que tous les organismes qui te constituaient avant, ils vont être autour de cet os. Et tu vas te reconstituer de nouveau. C'est pas un renouvellement, c'est pas une autre créature. C'est toi. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: "Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum yanzurun." Et on soufflera dans Sourate 39, verset 68, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui sont dans les cieux, et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner, puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Alors deux souples. Deux souples. Et on soufflera dans Surat 31, verset 68. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre seront foudroyés. Hein? Sauf ceux qu'Allah voudra épargner, puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Donc, deux souffles. Vous êtes d'accord? Il y a deux souffles. Il y a un premier souffle. Ça, tout sera foudroyé, sauf ce qu'Allah a préservé, a épargné. Les ulama, ils ont dit que ceux qui sont épargnés, c'est-à-dire les morts qui sont déjà dans, qui sont morts avant. Hein? Et certains anges qu'Allah a voulu préserver. D'accord? Donc, tout ce qui est sur terre, tout ce qui est dans les cieux sera foudroyé. Puis, après 40, il y aura le deuxième souffle et le retour. قوله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. Alors aura lieu la grande résurrection, قيامة, dont Allah a parlé dans son livre par la voix de son prophète صلى الله عليه وسلم et sur laquelle l'accord unanime, إجماع des musulmans s'est fait. Authentique, tout ça. Coran, Sunna et إجماع. D'accord sur ces points-là. D'accord. Et puis القيامة. Là, c'est la grande qiyama. Le corps, il s'est formé, le souffle, l'âme, il revient. Et là, celui qui est mort dans un état, il retrouvera Allah avec cet état. Celui qui meurt prosterné, il sera ressuscité prosterné. Celui qui meurt tout en faisant, comme le hadith là, de la personne qui a fait le pèlerinage, et qu'il est tombé qu'il est mort à cause de la personne qui était dans l'ihram à Arafah et qu'il a été touché par sa chamelle et qui est mort, et le prophète sallam il a dit il faut l'enterrer avec son ihram parce qu'il va voir Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Quand il sera ressuscité avec Talbiya. De même que Shahid. Shahid aussi. Hein, avec le sang et tout. Et donc, chaque personne et celui qui meurt dans un état grave, il sera ressuscité dans cet état. Celui qui meurt, Ibron, il retrouvera Allah subhanahu wa ta'ala, Ibron. Donc, trois catégories de preuves. Dans le Coran, c'est clair. Sur le Qiyam, à l'épreuve du Coran concernant le Qiyam. Al-Haqqa. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الواقعة إذا وقعت الواقعة فإذا جاءت الطامة الكبرى إذا زلزلت الأرض زلزالها. Tout ça, c'est des preuves de la grande qiyama. D'accord? Et bien sûr, on sera demandé sur ce Coran-là, est-ce qu'on l'a suivi ou est-ce qu'on ne l'a pas suivi. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. » Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement vers lui. Donc, « Wa inna uladhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alou. » On sera ressuscité et Allah nous donnera. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce Coran? Est-ce qu'on l'a appliqué comme il faut? Est-ce qu'on l'a suivi? Est-ce qu'on a suivi les prescriptions? Est-ce qu'on a suivi la bonne voie? D'accord? Ce Coran, il retourne à Allah subhanahu wa ta'ala et nous, on va être demandé là-dessus. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala dit, et comment Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le Coran et a demandé qu'on l'applique et après, il n'y a pas de retour. D'accord? Si Allah nous demande de suivre le Coran, de l'appliquer, il est obligatoirement qu'il y aura un retour vers lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je vais me contenter de ça, parce que le sujet est encore long, dans le qiyama. Wa subhanaka Allahum bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Frère, c'est le salut. إن إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Petits blasphèmes contre Dieu et son envoyé seront maudits de Dieu en ce monde et en l'autre, et il leur prépare un supplice ignominieux. Et ceux qui médisent des croyants et des croyantes pour ce qu'ils n'ont point perpétré, ceux-là se chargent d'une imposture et un péché énorme. En fait, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles abaissent sur leur robe le pan de leur manteau. Cela est plus propice à ce qu'elles soient reconnues et ne soient point molestées. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux.